La délégation du Parlement népalais conduite par l'ex-premier ministre Madhav Kumar Nepal, parlementaire et président d'honneur du comité préparatif international pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pektusan 2017, est arrivée le 12 à Pyongyang pour participer au 5e festival international en l'honneur des grands hommes Pektusan.